Salut à tous! Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah bah oui, c'est vrai! J'oubliais, c'est grève! Oui, bon, alors ça va. Vous êtes mécontent des conditions de travail? Le salaire aussi? Les horaires aussi? Non, mais le physique des stagiaires aussi, peut-être? Ok, très bien. Et donc, vous voudriez que tout ça change? Très bien. Ah bah, ça changera pas! Non, au boulot! Et le droit de grève dans tout ça? Bah, là, vous venez de la faire, Bah ouais, mais c'était vachement court! Ouais, ouais, bah, moi, en tant que patron, je préfère les grèves courtes. Oui, et bien, c'est pour ça que nous, en tant qu'employés, on peut rallonger la grève. Ouais, très bien, très bien. Je pars chercher des remplaçants. Non. Bah, parfait! Alors, je reviens dans 5 minutes pour commencer à travailler, allez, hop, hop, et aux mêmes conditions, hein! Qu'est-ce qu'on a obtenu, Alex, là? J'ai l'impression qu'on a obtenu rien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. En fait, ce qui doit évoluer, c'est pas le droit de grève pour les employés. Non, ce qui doit évoluer, c'est le droit d'entendre la grève chez les patrons. C'est ça. Ah, vous voulez que j'entende? J'ai tout entendu. Très bien. Et il y aura retenu sur salaire. Non, pas au boulot, là. D'accord. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui plaque l'info comme une affiche au mur, parce qu'on aime aussi citer les grands auteurs comme les bébés brunes. Et voici les trois informations qui vont finir dans le mur jusqu'à 18h. François Hollande et Angela Merkel retournent voir Vladimir Poutine pour tenter d'arracher un accord de paix en Ukraine, mais cette fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment la réunion de la dernière chance. Voici enfin le jour J. Encore. 50 nuances de grès est interdit aux moins de 18 ans dans le monde entier, sauf en France. Ou si vous avez 13 ans, vous pouvez y aller. Vous pouvez ainsi apprendre à attacher Micheline au radiateur à l'aide d'un petit peu de scotch. Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coups de cravache ! L'Australie va participer à la finale de l'Eurovision. C'est dire si on s'emmerde entre Européens. La preuve, la candidate française Lisa Angèle qui chante « N'oubliez pas » en écho aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Lorsque j'ai vu Serge Lama sur scène, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Voilà, c'est bien ça, on s'emmerde, c'est bien ça. Et pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée du monsieur propre de la blague, puisqu'il passe l'actualité au détergent. Bonjour Alex Vizeret. Mais bonjour, et moi aussi c'est Serge Lama qui m'a donné envie de faire ce métier. Et à 17h20, et il est là, l'homme qui explique la musique par la philosophie, alors que lui, sa seule philosophie, c'est la musique. Alors oui, cette présentation ne veut absolument rien dire, et c'est donc peut-être le plus bel hommage que je pouvais lui rendre. Bonjour André Manoukian. Mais bonjour Alex, mais j'ai tout compris. C'est bonjour pas vrai. Charline. Ah, mais je suis oui, content. Mais c'est ça. Vous mettez des mots sur mes problèmes mentaux et ça me fait beaucoup de bien. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler d'un grand orchestre, Simon Bolivar Symphony of Orchestra of Venezuela. Il s'appelle aussi Sistema 40 et c'est une histoire fabuleuse. Moi j'adore ce chanteur Simon Bolivar. Mais non. À 17h30, le moment où la France s'arrête, augmente le son de sa radio et se dit en chœur « Non, il n'a pas posé une question aussi idiote !» Et 10 secondes plus tard, la France se dit « Non !» et en plus l'autre a répondu « Guillaume Meurice. Belle présentation. Merci Alex. Alors moi je me suis rendu au grand rassemblement des médiums et des voyants qui a débuté ce matin à Paris. Et oui, je leur ai demandé s'ils étaient en mesure de me dévoiler quelle personnalité avait un compte en Suisse. Non, j'ai pas envie de le faire. Ah mais vous pourriez le faire. Ah bah bien sûr que je pourrais le faire. Évidemment qu'il pourrait le faire, je suis con moi aussi. Vous inquiétez pas, j'en ai trouvé qui veulent le faire. À 17h40, depuis que je connais le sujet de sa chronique du jour, je transpire, je tremble. J'espérais qu'elle arrive avec des bottes en latex noir. Puis je lui ai proposé d'être sa 51e nuance de gré. Et elle a ri grassement. Bonjour Clara Dupont-Menot. Bonjour Alex. On va donc parler de ça. On va parler de ça, c'est le sexe Ajax Citron, ce qui vous correspond visiblement. Et je vous signale que Simon Bolivar est un couturier. Nous sommes sur Twitter, hashtag annule tout, et il existe aussi une page Facebook parce qu'on aime liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Et vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Pierre Elliott Trudeau, premier ministre canadien au moment c'est où vrai. Mitterrand accède au pouvoir en France. J'ai revu mon histoire du Canada. Vous entamez des études d'art plastique et de théâtre en 99, c'est l'année du film Matrix. Vous sortez votre premier album en 2004 quand Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre et ça vous a beaucoup marqué. On sent cette influence dans l'album. C'était pas Simon Bolivar qui l'avait dit. Votre avant-dernier album Punkt est sorti en 2013 quand La vie d'Adèle reçoit la Palme d'Or et votre dernier album s'appelle Paris Tristesse. Vous êtes en tournée et vous êtes Je suis Pierre Lapointe, le chanteur extraordinaire. C'est lui, c'est moi. Extra. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. plus extra que l'Ajax Citron Vert, n'est-ce pas ? Pierre Lapointe est avec nous. Et vous êtes en tournée, Pierre, le 12 février, notamment à Senon, le 14 février à Nîmes, et vous serez aussi au mois d'avril au Printemps de Bourges. Et vous avez eu l'honneur de ce qu'on appelle le quatrième de couverture de Libé, le portrait de Libé, justement, hier. Est-ce qu'on se rend compte au Québec que ça, c'est vraiment la consécration ? Ouais. Pas tellement. D'accord. Mais on me l'a tellement dit que j'en ai pris conscience assez vite, oui. Ah, c'est quelque chose, ouais, hein, c'est ça. C'est quelque chose. Et la photo est très belle, je suis magnifique. Bah, sinon, vous auriez raté votre vie en France. Ouais, mais là, c'est réussi. J'ai réussi. J'accède aux hautes sphères de la culture française. C'est la Rolex du journalisme. C'est ça. Alors, vous expliquez, c'est vrai qu'on vous connaît, Pierre Lapointe, et on vous connaît sur cette antenne, bien sûr, parce qu'on vous a entendu cet été. Et oui, j'ai réveillé les Français. Juste avant 8h. Au grand plaisir de certains et au grand déplaisir d'autres. Vous avez découvert le plaisir de réveiller la France, parce que la radio en France, c'est quelque chose. On se réveille avec. Oui, bah, chez nous aussi. C'est pas juste en France. Enfin, prenez-le pour les trucs. Il n'y a pas que les Mais Français. Vous avez la radio au Canada, on a la radio. D'accord. Non, parce que c'est une religion en France, la radio. Ouais, plus qu'en Belgique, par exemple. Parce que nous, on est belges. Okay, hein, j'ai dit ça à Pierre Lapointe. Je me suis renseigné sur vous. Oui, ça m'a fait très plaisir d'être là, de pouvoir avoir cette chance-là, carrément. Surtout que c'était pas dans mon plan de carrière du tout, donc j'étais heureux, surpris et heureux. Est-ce que rencontrer André Manoukian, c'était dans votre plan de carrière ? C'était pas dans mon plan de carrière, mais là j'ai appris il y a pas tellement longtemps en fait qu'il était coach à The Voice. Et mais moi, c'est ça. Nouvelle Star. On va avoir l'occasion d'en parler parce qu'on va parler de l'Eurovision. C'est la même émission. Juste avant, je voudrais un peu qu'on parle de votre façon d'être en tournée, Pierre Lapointe. C'est ce qu'on l'a lu dans Libé, parce que on vous connaît pour vos chansons, et vous le dites vous-même, pessimiste, mélancolique, impudique pour certaines, dites-vous. Mais vous faites rire le public, vous parlez pas mal avec le public, et vous dites qu'après avoir ri, le public devient plus réceptif. Bah oui. Et ça permet de quoi ? D'avoir un contraste ? Bah, mon but, c'est toujours d'atteindre les gens au cœur. Et puis, quand les gens rient, ils deviennent vulnérables. Et puis là, je peux rentrer le couteau comme il faut et tourner tant que je veux. Et puis, les gens trouvent ça charmant. C'est-à-dire qu'ils sont plus ouverts à la chanson qui arrive derrière ? Avec le couteau, oui. Ils sont plus ouverts, de toute façon. Bah, en fait, je pense que c'est une façon aussi de créer des liens rapidement. Ça enlève un peu de pudeur entre le public et l'artiste qui est sur scène. Et puis, je pense aussi que, à force de... Surtout avec le spectacle Paris Tristesse, où je chante beaucoup de chansons dépressives, à un moment donné, si je ne parlais pas et je mettais pas un peu d'humour là-dedans, les gens s'enlèveraient la vie en sortant et je me sentirais très coupable. Et justement, André a une théorie sur les chansons mélancoliques, parce que vous êtes un chanteur mélancolique, et alors il y a un syndrome, c'est qu'on a envie de vous écouter en boucle quand on est dans certains états, parce que il y a une théorie d'André Manoukian là-dessus. Bah, la théorie, c'est que vous exprimez votre mélancolie et cette mélancolie vous guérit vous-même un petit peu de votre mélancolie parce qu'elle est exprimée en musique. C'est le principe du blues. Et vous avez dans votre dérision, dans cette distance que vous prenez, dans cette élégance et dans votre poésie, une manière de mettre finalement nous et moi qui sont pas toujours géniaux, de les mettre en perspective assez cool. Un petit peu comme un mec qui se ferait une autofellation, par exemple. Non, mais ça, vous voyez, fait du bien. J'ai pas encore essayé du haut de mes 33 ans. J'ai pas encore essayé. 17h14. D'accord. Le point autofellation est atteint. Pour continuer. Mais pas ça, André. C'est qu'on se dit, il y a pire que nous. Il y a plus dépressif que nous. C'est ça qui nous soigne. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a un truc. Il a des fréquences dans la voix. C'est qu'il le fait avec une manière qui fait du bien et qui réjouit. Et au fond, le premier réflexe d'un musicien, encore une fois, quand il s'assied derrière un piano, c'est de faire plutôt un accord mineur. Mais vous, comme vous avez cette élégance dans la voix, c'est comme si vous preniez un petit peu des distances par rapport à vos peines. Et ça nous fait du bien. Bah, tant mieux. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est parce que quand par exemple, on a tous vécu une peine d'amour, sauf moi. On l'entend souvent, dans vos chansons, Charline, vous n'êtes pas souvent arrivé. Charline, ça vous est arrivé ? Et moi, j'écoute du Pierre Lapointe dans ces cas-là. Ah ouais ? Je vais pas jusqu'au bar des suicidés. Quoique ça, c'est de l'humour noir, c'est assez drôle. Mais ce qui est bien là-dedans, souvent, c'est que je dis aux gens, quand on souffre, on a l'impression d'être le plus grand souffrant de la planète, mais finalement, quand on parle aux autres, souvent, ça nous fait chier, parce qu'on réalise que tout le monde vit la même chose, à peu près au même moment, dans les mêmes situations. Non, ça visera qu'il réalise pas, lui. C'est pour ça que j'aimerais bien, si on est marre d'entendre son disque, s'il y a moins qu'il se passe quelque chose. Et alors là, on va prendre un contre-exemple, quelque chose de plus joyeux. On va écouter Pierre Lapointe dans ses œuvres sur France Inter, et on vous propose L'étrange route des amoureux. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux. Si la vérité sort de nos yeux, nous jouerons les imbéciles heureux, exhibant nos rêves faussement pieux sur l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos caresses pour que, quand le temps nous blesse, nous puissions combler tous les deux de nos corps l'appétit copieux. De ciel, j'ai massacré ton cœur de miel. Depuis que nous sommes tous les deux sur l'étrange route des amoureux, la vérité a brûlé nos yeux. C'est l'insolence des moments heureux. On se sent tout à coup bien trop vieux pour l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos promesses, puisque quand la vie nous blesse, nous devons combler tous les deux de nos espoirs l'appétit copieux. Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux. Et voilà, yes. C'était Pierre Lapointe. Mais oui, qui est avec nous. J'adore parce qu'il fait du moderne avec des instruments assez traditionnels, mais dans sa manière de les traiter et tout. C'est super recherché. Mine de rien, les choses qui ont l'air simples comme ça sont les plus difficiles à faire. Et voilà, je vous tenais à dire que c'était en même temps, vous êtes un grand producteur aussi. Ouais, bah c'est pas moi qui l'ai dit, mais je suis d'accord. Nous aussi, d'accord. On est d'accord. Nous sommes avec Pierre Lapointe jusqu'à 18h. Alex est autour de cette table. Et Clara Dupont-Menot, André Manoukian, Guillaume Meurice qui a été voir Les Voyants. Et je vous le dis parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Serge Lama. Voilà. Ah, et oui, c'est l'homme qui nous a tous donné envie de grandir. Allez, on va faire une petite revue de presse avec de vraies infos dedans. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence avec cette énorme surprise à l'UMP. Mais oui, où l'on a appris que Stéphane Tiki, le jeune président des jeunes pop de l'UMP, est en fait un sans-papier de nationalité camerounaise. Il a 27 ans, il vit en France depuis 10 ans, mais il n'avait plus de titre de séjour en règle. Ouais, et en plus, il fait partie du courant de l'UMP le plus dur, la droite forte, dirigée par les ultra-sarkozistes Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier. Voilà, en gros, c'est un type qui n'aime pas les étrangers, donc il ne s'aime pas vraiment. Ah ouais, c'est ça. Ça a dû être un sacré coup pour lui. Bah oui, hein, d'ailleurs, j'espère que personne ne va lui dire qu'il est noir, parce que sinon ça... C'est terrible, ça. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien, je crois que vous le saurez grâce aux épisodes de Tiki le Schizo. Au pays de Tiki, comme dans tous les pays, on ne fait pas ce qu'on dit, on a très bien vu faire Sarkozy. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je suis bien au commissariat du 16e. Oui monsieur. Je souhaiterais faire arrêter une personne qui ne respecte pas la loi. Oui, très bien, de qui s'agit-il? Il s'agit de moi. Ah bon? Oui, ah j'ai bon. Découvert que je n'avais pas de papier, je trouve ça inadmissible. La France a beaucoup trop de difficultés en ce moment, elle n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Je vous demande de me mettre les menottes et de me reconduire immédiatement à la frontière. Monsieur, on ne peut pas hein, appeler quelqu'un, moi je ne sais oui, pas. Oui, j'ai déjà appelé Brice Hortefeux, il est au courant, il est entièrement d'accord avec ma démarche. Oui, monsieur, merci pour votre patriotisme, mais c'est interdit. Hein. Qu'importe, même. Sans votre aide, je parviendrai à me renvoyer chez moi. Et une bien belle série, et mon petit doigt me dit que peut-être tout à l'heure, il y aura une suite. C'est pas impossible. Passons au point Balkany à présent, une information du Canard Enchaîné. Le conseil municipal de Levallois-Perret a renouvelé le marché passé entre la commune et le cabinet d'avocats Claude et Sarkozy, une collaboration qui dure depuis 20 ans. C'est beau la fidélité d'un bonhomme. C'est beau. D'autant que Arnaud Claude, principal associé du cabinet Sarkozy, est mis en examen dans le même dossier que Balkany pour blanchiment. C'est beau la solidarité d'un bonhomme. C'est beau. D'autant que le cabinet Claude et Sarkozy aurait participé au montage qui a permis au Balkany d'acheter un immense palais à Marrakech. Fidélité, solidarité et compétence. C'est beau. Ouais, c'est très beau Marrakech. C'est vrai. Oui. Parlant de beau temps, un petit clin d'œil à Patrick Cohen, comme vous l'avez remarqué, on est un petit peu en grève sur France Inter, et donc aujourd'hui, parfois, il faut combler des vides. Et Patrick, ce matin, a dû faire la météo. On sent bien qu'il débute. Un petit point météo juste avant 8h. Gris ce matin, très gris même, sur toute la moitié nord du pays, avec parfois des brouillards denses et givrants. Au sud, le soleil s'impose dès le lever du soleil. Le soleil s'impose dès le lever du soleil. Belle constatation, Patrick. C'est un début. On ne devient pas Alain Gilles Pétré comme ça. Et je voudrais terminer par une pensée pour quelqu'un dont on s'est parfois un petit peu moqué ici. Bon, je le regrette, mais surtout aujourd'hui, puisqu'elle est en deuil. Une pensée à Jeannette Bougrabe. Ah, qui est décédée aujourd'hui ? C'est Rogène. Ah, voilà. C'était sa dernière compagne, je suppose. Mais comment vous le savez ? Moi, je prends un pressentiment. Ouais, c'est ça. Comme ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Pierre Lapointe. Et vous l'aurez compris, Pierre, on s'empare de l'actualité et on l'attache au radiateur thermostat 8. Premier sujet avec vous. François Hollande et Angela Merkel ne se quittent plus. Mus par l'amour du risque, tels Jonathan et Jennifer, ils vont rencontrer Vladimir Poutine et le président ukrainien Porochenko. C'est le couple franco-allemand qui prend le dossier en main. En revanche, les Britanniques, eux, sont complètement en retrait du dossier. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Sympathiques. Vous avez une nurse anglaise. Alors je rappelle que le but du voyage de François Hollande et Angela Merkel, c'est évidemment de trouver un accord pour régler à peu près 53 désaccords. C'est pour ça que c'est pas évident. Alors, Laurent Fabius explique à l'Assemblée, il y a un risque de guerre totale à 3 heures d'avion de Paris. C'est là que je me suis dit, est-ce qu'au Canada, ce serait un argument ? Parce que dire à Montréal, c'est une guerre à 3 heures d'avion, ben c'est chez vous quand même. Oui, quand même, parce qu'on a un plus grand pays que le vôtre. Hein. Je ne vais pas faire le fier, mais bon. Est-ce que c'est le genre d'argument qu'on entend pour sensibiliser dans les médias à une guerre ça pourrait être le cas. Ce qui arrive, c'est que chez nous, on a eu des attentats terribles. Mm-hmm. Chez nous, dernièrement, au Québec et à Ottawa, en Ontario, on a eu des attentats en 2001. À New York, tout près de chez nous, on se sent très proche de New York, par exemple. Maintenant, on n'a pas une guerre de cette ampleur-là. On n'a pas un pays qui veut envahir un autre pays, en tout cas le territoire, une partie d'un autre pays. Mm-hmm. On n'a pas ça chez nous. Et je n'ai pas souvenir que ça soit vraiment passé. En fait, quand c'est arrivé, j'étais loin d'être né. Est-ce que ça vous vexe que personne ne veuille de votre pays? Moi, personnellement, je trouve ça assez bien comme situation. Ouais. Il n'y a pas encore de tentative d'annexion du Québec, du Canada par le Québec. Parce non, que c'est non, il y a eu une volonté de la part des Québécois de séparer, d'indépendance, mais non, pas le contraire. Alors, le conflit ukrainien, est-ce que c'est un sujet qu'on retrouve dans les médias oui. au Québec. Oui, on en entend parler. On entend parler. Ouais. Et alors, il y a aussi le fait que la Grande-Bretagne soit complètement en retrait du dossier. Alors, il faut dire que aussi pour David Cameron, qu'il y a des élections législatives qui se profilent, donc il ne veut pas se mouiller. Il y a aussi le fait qu'il y a eu de longues et coûteuses opérations en Irak et en Afghanistan. Mais quand même, la puissance britannique, c'est une grande puissance mondiale qui est très liée. C'est toujours la reine d'Angleterre, elle va toujours votre reine. Elle est toujours notre reine. Bon, en fait, il y a Pierre-Éliott Trudeau qui s'est séparé d'un point de vue constitutionnel du pouvoir de la reine, mais elle a encore plusieurs terrains chez nous et notre dernier, en fait, le premier ministre actuel, M. Harper, un homme extraordinaire qui est définitivement de droite, notre George Bush préféré, a commencé il y a quelques années à enlever toutes les grandes toiles dans les ambassades canadiennes partout dans le monde et dans les bureaux du gouvernement canadien pour les remplacer par des portraits de la reine. Et oui, donc la reine est encore chez nous. Ouais, il y a une relation quand même assez amoureuse entre le gouvernement actuel et la reine. Il y a pire que la reine. Il y a pire que la reine. Oui, il y a pire que la reine. Sauf que chez nous, la reine, au Québec particulièrement, elle est plus ou moins aimée. On a encore une espèce de petite... comme on dit chez nous, une crotte sur le cœur. J'aime bien ça. Face à la monarchie britannique. Et j'ai lu que le Parti libéral avait récupéré, sans vous prévenir, une de vos chansons. Oui. Il n'y avait pas à me prévenir. C'est juste qu'il faut remettre en contexte. Allez-y. Il y a eu la crise étudiante. Dans laquelle vous êtes engagé, vous avez manifesté. J'ai manifesté. J'ai dit clairement que j'étais du côté des étudiants, que j'étais pour que le Québec se repose des questions sur la place de l'éducation dans notre société, parce que la gratuité scolaire, scolaire. Bon, c'est tout un débat. J'ai été cité au Parlement québécois comme un agent qui faisait la propagande de la haine un an avant, comme quoi j'avais porté le carré rouge, le symbole des étudiants en grève. Et un an après, comme par hasard, ils prenaient ma chanson pour trouver leur nouveau... Vengeance. Ouais, c'était un peu... J'ai juste écrit un petit mot pour dire que je trouvais ça... Que je trouvais ça étrange qu'un an après, je sois considéré. Maintenant, je ne suis pas plus libéral que péquiste ou qu'importe, je suis à aucun parti. Péquiste, c'est le PQ, c'est le parti québécois. Ouais. Mais chez nous, le PQ, ça n'existe pas. En fait, ça existe, mais c'est un parti politique. Mais bon, la politique, de toute façon, on sait ce qu'on fait avec. Hein. C'est ça. Exactement. Clara Dupont-Moretti. Le carré rouge, c'est le logo de France Inter. Eh oui, si vous aviez été au Canada, en fait, au Québec, durant la crise étudiante, vous auriez été vus comme des méchants carrés rouges qui auraient fait la propagande de la violence. Il y avait des bons percussionnistes aussi. Ah oui, parce qu'on a tapé sur des casseroles, on a fait du bruit parce qu'on n'avait plus le droit de manifester. Bref, ce serait un sujet pour une émission complète, mais je vous épargne ça. Oula, par contre, oui, pour revenir au sujet, est-ce que le fait que le président russe s'appelle Poutine, ça vous le rend sympathique? Bah, c'est sûr que la Poutine chez nous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un mets national qui est emprunt de gras et de sel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des frites bien grasses avec une sauce qu'on appelle communément de la sauce gravy, une sauce brune avec du fromage, du fromage en grains qu'on appelle aussi du fromage en crotte. Et le but, c'est de mélanger ces trois... Oui, il y a beaucoup de crottes ce soir, sauf français. L'autofellation et de la crotte. C'est bien. Le but, c'est de mettre ces trois aliments-là ensemble. Bon, c'est sûr que l'idéal, c'est de manger ça quand on est sous, à 4 heures du matin, avec les bars et fermes. Et qui fait très froid. Maintenant, le président Poutine, contrairement à la Poutine, ne donne pas vraiment envie de le manger. Et oui. C'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Pour revenir au sujet dont on s'est un peu éloigné, mais c'est aussi le principe de cette émission, c'est ce qu'on aime. Donc, les Européens veulent encore croire à la diplomatie, à la solution politique avec Poutine, tandis que les Américains, eux, croient plutôt à la manière forte. Et c'est encore évidemment le fossé entre nos deux continents. Et on aura l'occasion d'en reparler, notamment avec 50 nuances degrés. Ce sera un sujet, le fossé, sur la pudibonderie. Oui. Ah, ça vous excite. Hein, c'est l'art de la transition. Il y a une tension. Et quand on parle d'excitation dans cette émission, nous ne sommes jamais loin d'André Manoukian et son magnétisme animal. André, vous nous avez manqué. Vous êtes là jusqu'à vendredi, c'est à vous. Sans vous voir, j'avais une sorte de crotte sur le cœur et là, elle vient de partir maintenant. Allez, il s'appelle José Antonio Abreu. Il est né le 7 mai 1939 à Valera, dans l'état de Trujillo, et ça se passe au Venezuela. Cet homme fait des études très sérieuses d'économiste, mais il a un hobby, c'est qu'il est pianiste. Et puis il a un truc, c'est que il se sent des velléités d'être éducateur. En gros, c'est un gars qui s'éclate au sens propre du terme, puisque l'éclatement de la personnalité, c'est un mot qui est arrivé dans le langage des sociologues dans les années 60-70. Avant la guerre, on avait une seule identité quand on était un homme, voire deux. On était chef d'industrie et père de famille. Après, on a commencé à se dire qu'on pouvait être plusieurs à la fois. Lui, il est plusieurs. Et il a mis sa culture au service d'un activisme politique très original. On pourrait appeler ça une micro-résistance. Ça, c'est un concept préféré de mon philosophe préféré aussi. C'est quoi Serge Lama, non ? Non, voilà, c'est ça, Serge Deleuze. C'est l'acte, une micro-résistance, c'est un acte qu'on peut faire tout seul dans son coin et qui, additionné à plein d'autres petits actes individuels, forme le premier membre d'un corps qui peut devenir immense un jour, fait de plein de micro-résistants agglutinés les uns les autres. C'est un concept vachement dynamique. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de faire. Exemple, les gars qui ont fait la Ligue des droits de l'homme après la guerre, ils étaient trois avocats. Ils se sont dit plus jamais ça, plus jamais de camp de concentration. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tout de suite après la guerre, il y a les procès staliniens. Ils étaient trois jeunes avocats qui venaient juste d'avoir leur diplôme. Ils sont allés voir l'ONU en disant : vous voulez pas nous faire un papier, s'il vous plaît ? Nous, on a envie de se battre un petit peu. L'ONU leur fait un vague papier. Ouais, voilà, genre, c'est bien ce qu'ils font, ces gars-là. Avec ce papier qui ne veut rien dire, il y a juste un en-tête de l'ONU, ils ont assisté à tous les procès staliniens dans l'Europe de l'Est. Leur seule présence, les Russes croyaient que c'était des gars de l'ONU, en fait, a fait qu'ils ont sauvé des centaines de vies. C'est ça la micro-résistance. De Gaulle à Londres, en 1939, l'appel 18 juin, ils étaient trois dans son bureau pour sa première... C'est à la radio, donc c'est forcément une micro-résistance. Ils étaient trois, un royaliste de l'Action française, un juif et De Gaulle. Vous imaginez le premier meeting comme il a swingé, et pourtant, voilà. Bref, revenons à José Antonio Abreu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de micro-résistance et de la musique qu'on entend ? En février 75, il n'y avait que deux orchestres professionnels au Venezuela qui employaient pour la majorité des musiciens qui venaient d'Europe de l'Est. Lui, à un moment donné, il en a marre. Il y a beaucoup de favelas, de bidonvilles au Venezuela. Il prend 11 gamins, il les met dans un parking, il essaye de leur transmettre son truc. Et il leur dit juste un truc, il dit « Les gars, vous allez marquer l'histoire. » Deuxième répétition, ils sont 25 les gosses. Troisième répétition, ils sont 46. Pour finir, ils vont être 75. Armé de cette expérience, il va voir le ministère de la Santé et il les implique dans son idée. Son idée, c'est quoi ? D'aller dans les bidonvilles et de dire « On vous offre un instrument de musique ». Ils prennent les gamins dès l'âge de 2 ans. Mais la condition que vous gardiez l'instrument, c'est que vous preniez les cours de musique. Et on forme un tuteur pour une dizaine de gamins. Chaque enfant désiré de jouer donc reçoit son instrument. Aujourd'hui, le Venezuela compte des dizaines d'orchestres professionnels, tous formés par des diplômés de ce qu'il va appeler El Sistema. Il faut les voir jouer, les gosses. Ils sont en tenue de jogging, ils ont leur contrebasse, ils attaquent et tout d'un coup, ils redonnent du sens à la musique classique. Et au jogging. Ils jouent beaucoup de Bernstein, les mômes, ils se lèvent, ils font tourner leur contrebasse, mais comme si c'était une danseuse. Et il y a une pêche, il y a une énergie qui se dégage de ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais cette musique classique, elle est une musique vivante, pour peu qu'on l'enseigne correctement et on redécouvre la joie de jouer et de s'éclater. Clara Dupont-Mono ? Oui, maître. Il se trouve que je les ai vus jouer et ils ont grandi, ils ont fait des enfants à leur tour, à qu'ils ont appelé Mozart. Il y en avait un qui avait appelé fils Mozart à cause de ça, parce qu'il avait été sauvé de la rue par la musique. Moi, j'ai voulu appeler mon gamin Amadeus et ma femme n'a pas voulu. Ça m'étonne de votre femme. Ouais, alors, quelques chiffres. Au Venezuela, pour 22 millions d'habitants, on compte aujourd'hui 250 000 jeunes qui pratiquent la musique classique au sein de 126 orchestres, ainsi que 36 orchestres symphoniques professionnels, 15 000 profs de musique, 136 centres de formation et conservatoires. Ça s'appelle la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestras Juveniles y Infantiles de Venezuela. Fin de citation. Un seul gars, il s'appelle José Antonio, un seul gars peut foutre le boxon dans un pays, c'est cette idée que j'adore, c'est pour ça que je parlais de micro-résistance au début. Il a reçu le prix Nobel alternatif en 2002, c'était les 40 ans de cet orchestre, Simón Bolívar Symphony Orchestra, et sous la direction du jeune chef Gustavo Dudamel, il nous joue Bernstein. Thank you. Mambo Arturo Marquez. Voilà, c'était l'extrait de West Side Story de Leonard Bernstein. Écoutez le public comme il est en ferveur. C'est un spectacle qu'il faut aller voir. Allez sur Internet et pour checker un petit peu ça. L'album vient de sortir le 19 janvier. Et il y a Tchaïkovski, il y a Beethoven. Mais surtout, il y a une relecture de tous ces classiques avec une énergie et une fougue qui est géniale. Et l'album s'appelle El Sistema... 40. 40. Sí, Charlene. Sí. Entiendo como, perfectamente. Como hablo español. ¿Hablas español, sí, tú también? Sí, sí. Pues vamos. Estamos en France Inter con Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek, Guillaume Meurice y un cantador excepcional, fenomenal, que se llama Pierre Lapointe et qui est québécois. Pierre Lapointe, votre dernier album, Paris Tristesse, est paru en novembre. Et tiens, vous êtes en tournée. Hein. Vous serez notamment le 5 juin à Saint-Étienne, le 7 juin à Aurillac et plus proche de nous, le 12 février à ce nom, le 14 février à Nîmes et puis au Printemps de Bourges. Il est en tournée aussi dans toute la France. C'est vrai. Et quand il passe par Paris, c'est pour enquiquiner les gens dans la rue, dans les salons, les politiques, à la salle des quatre colonnes. C'est Guillaume Meurice qui a été vérifié l'avenir. Ça, j'aime bien. Alors attention, un vrai travail d'investigation aujourd'hui, Alex et Charline. Je me suis intéressé à l'affaire SwissLeaks qui fait tant peur à deux catégories de la population, les fraudeurs du fisc, évidemment, et Isabelle Mergault. Hein, c'est pas facile de prononcer SwissLeaks, hein, évidemment. J'ai mené l'enquête. Alors d'habitude, une enquête, c'est long. Il faut recueillir des infos, faut croiser des sources, enfin plein de trucs chiants comme ça. Mais moi, j'ai trouvé la solution. Je suis allé voir des gens qui savent tout, qui devinent tout, les médiums et les voyants. Et ça tombe bien, ils se réunissaient ce matin à Paris, à l'espace Champéret. Alors, ça va vous surprendre, mais dans ces professions, il y a des charlatans. Ouais, il y a des escrocs, hein, il faut le dire. Et pour les repérer, j'avais une question toute bête. Est-ce que d'après vous, Roger Federer, il a un compte en Suisse ? Non. Il n'a pas de compte en Suisse ? Vous êtes affirmatif là-dessus ? Oui. Voilà, donc voilà, un Suisse qui n'aurait pas de compte en Suisse, bon ben bah, ça me paraissait louche. J'ai donc été en voir un autre, une autre en l'occurrence, une numérologue, mais pas seulement. Je pratique la numérologie tout de suite, ça me permet de rentrer en communication avec mes guides. Et puis, je délivre déjà des messages. Qu'est-ce que vous appelez mes guides ? Alors, mes guides, moi, je pense qu'il y a des gens qui me donnent des informations que j'entends et que donc je délivre. Est-ce que, par exemple, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, elle aura un compte en Suisse ? Je ne répondrai pas à ce type de questions, c'est personnel, la pauvre. Mais si vous dites à vos guides, Laurence Bloch, compte bancaire, Suisse, ils vont vous dire un truc, ça se trouve. Non, je pense pas, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour aider les gens à les faire évoluer. Bah oui, mais ça fait pas évoluer mon enquête. Bon, puisqu'on parle Bloch, parlons galets. En fait, j'ai créé des galets divinatoires, des petits galets de verre comme ça. Les gens les jettent sur la table ou ailleurs s'ils veulent, d'ailleurs. Et puis à travers le jet, comme ça... Dans la tête des gens, ils peuvent les jeter ? Oui. Une sorte de divination par lapidation, en fait. Absolument. Voilà, très bien, c'est parfait, ça. D'accord. Ça va, c'est une divination à la saoudienne, hein, comme on l'appelle. Alors poursuivons avec lui, avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que je peux par exemple savoir si Jean-François Copé, il a un compte en Suisse ? Si je jette les galets, je pose la question. Ah bah écoutez, allez, on va essayer. Alors, est-ce que Jean-François Copé a un compte en Suisse ? On va le savoir avec les galets. Moi j'aurais tendance à dire qu'il a un compte, mais à la mer, dans un pays où il y a l'eau. Oula, les îles Caïmans, ça doit être, non ? Je ne sais pas, je suis pas assez fort en géographie, mais visiblement, on retrouve l'eau. Attendez, c'est peut-être la piscine de Takedin. Mais la Suisse, il n'y a pas l'eau. Il hein. Y a un lac, hein, le lac Léman. Il hein, y a un lac. Non, à Genève. Non, je vois l'oasis, je vois des arbres, je vois des palmiers. Un compte au Maroc, alors, peut-être ? Peut-être. Ah, on avance, on avance. Hein, peut-être un compte au Maroc pour notre ami Jean-François, qui est, comme Gad Elmaleh, hein, je rappelle, une sorte d'humoriste en freelance. À propos d'humoriste, c'est bien beau d'accuser les autres, mais moi, est-ce que j'aurais pas par hasard quelque chose à me reprocher selon cet autre voyant ? Vous avez des projets de faire autre chose. Ah. Et je vois quelque chose de très marquant dans votre vie, c'est l'étranger. Alors attendez, quand vous parlez de l'étranger, est-ce que vous pensez à la Suisse, par exemple ? Oh, je ne sais pas, mais je sais que c'est l'étranger. Vous partez à l'étranger, votre vie n'est pas en France. À Monaco ? Ah, mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de flash, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Je ne peux pas raconter n'importe quoi. Enfin, bénévolement, en tout cas, il ne peut pas. Si vous le payez un peu, oui, ça devient un métier de raconter n'importe quoi, bien sûr. Mais je vous vois ricaner, Alex Vizorek, je vous vois, mais vous ? Vous, où en êtes-vous au niveau de vos comptes ? Demandons à cet autre médium. Notre émission, elle est présentée par un certain Alex Vizorek. Est-ce que lui, vous pouvez me dire quand même s'il a un compte en Suisse ou pas ? Non, il n'en a pas. Il n'en a pas, lui ? Non. Est-ce qu'il a un compte en Belgique? Non, je crois pas. Il a pas de compte en Belgique? Non. C'est pas le style du personnage, là. On n'est pas dans, dans cette catégorie de gens. D'accord, bah au moins voilà. C'est quelqu'un qui est plus transparent que quelqu'un qui a envie de se dissimuler ou de se cacher, donc non. Ouais, mais il aurait pu être transparent avec un compte en Belgique. Oui, mais non. Non, non, non, non, non. Tellement transparent que vous n'auriez même pas de compte dans votre propre pays. C'est pour ça que je vous vois tout le temps vous trimballer des liasses de pognon dans vos poches. Moi, je croyais que c'était à cause du trafic de cougars ukrainiennes que vous prostituez dans les couloirs de la maison de la radio. Mais non, tout s'explique. Transparence. Puisque, transparence, et oui. Puisqu'enfin, j'avais trouvé un médium fiable, j'avais une dernière question à lui poser. Alors, attendez, attendez, j'ai une autre question. Il y a un préavis de grève à France Inter. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une émission cet après-midi? Non. Il n'y aura pas d'émission? Non. Bon, alors, de deux choses l'une. Ou alors, il n'est pas compétent. Mais alors ça, ça m'étonnerait quand même. Ou alors, on vous ment. On se ment à nous-mêmes. Tout ça ne serait qu'une vaste fumisterie. Et prenons garde, car si c'est une fumisterie, les médiums et autres voyants pourraient bien nous attaquer pour concurrence déloyale. Merci, Guillaume Meurice. Je note qu'on peut lire l'avenir dans tout, dans les galets, dans... Tout, ouais, moi, le noir de café. Moi, je lis dans les petites culottes, alors si ça intéresse les gens. En fait, le lien, est, c'est quelque chose pour créer du lien entre. Pour se concentrer. Par exemple, tout d'un coup, si je prends trois osselets, puis je regarde Clara, et puis il va s'établir un lien entre nous deux, vous voyez. Ou alors je vais lire dans les entrailles de poulet. Mais chaque fois, ce sont des prétextes. Vous vous cautionnez. Vous... Mais oui, parce qu'on se met dans un état de transe. Finalement, quel que soit le sable. Vous consultez le samedi matin que... Mais non, mais alors, non. On peut vous laisser avec la pointe, si vous voulez, parce qu'on a quand même un invité à table, hein, ce serait quand même intéressant. Je réclame un peu d'attention. Bah, il me semble, Pierre, attendez. Ouais, parce qu'on vous jette pas le galet, Pierre, non plus. Alors, écoutez. Et comment est-ce qu'on fait quand on est au Québec ou au Canada? On fait pas de compte en Suisse, là, c'est trop loin. Il y a d'autres contrées plus exotiques pour planquer ses sous. Ouais, j'imagine. En fait, je dois vous avouer que. C'est pas un débat. Il y en a un débat, oui. Il y a beaucoup d'argent qui sort, oui, dans les paradis fiscaux, c'est certain. Partout où il y a des gens qui ont de l'argent, partout les gens font ça. Plus du côté des Caraïbes, peut-être. Peut-être. J'en ai aucune idée parce qu'autour de moi, il n'y a pas de gens assez riches pour ça. Pour que je me renseigne là-dessus. Allez, on est ensemble avec vous jusqu'à 18h. Oui, vous intéressez aux œuvres d'art? Ah oui. Ah oui. Ah oui, là, je m'intéresse beaucoup aux œuvres. Un peu d'argent. Bon, ça dépend. Non, un vrai bon collectionneur achète avant que ça vaille cher. Et voilà, il est malin. Et surtout, il défiscalise. C'est une autre histoire. Bon, allez, sujet 2. Vous n'êtes sans doute pas au courant parce que le film sort aujourd'hui dans une relative discrétion, mais 50 nuances de Grey est interdit au moins de 12 ans en France. Et partout ailleurs dans le monde, il est interdit au moins de 18 ans. De toute façon, en France, les pratiques sadomasochistes sont encouragées partout. Hein. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Moi, je suis certaine que Christophe Maé... C'est un appel, n'est-ce pas, Pierre Lapointe? Ouais, moi aussi, j'entends ça. J'entends ça, mais tous les chanteurs, on est un peu dans la douleur. On a dit chanteur, l'amour. On a parlé de Christophe Maé. Oui, parce que je lis alors. Et là, la douleur, c'est quand on l'écoute. C'est différent. Non sur votre avant-dernier album Punkt, la chanson Les Enfants du Diable, vous dites « Les Enfants du Diable parlent des jours agréables, gorgent leur verre de sang et s'enculent en chantant ». Vous avez mal cité là. Oui, c'est par c'est des jours bien agréables, gorgent leur verge de sang et s'enculent en chantant. Ben oui, mais ce n'est pas nécessairement un sadomaso de s'enculer. Hein. Alors sur Internet, les gens n'osent pas. Oui, c'est ça, ils ont changé les mots, ouais, parce qu'Internet est donc très pudique. Alors je note, vous pouvez répéter parce qu'il faut que je corrige. Donc, gorgent leur verge. Je de sang et s'enculent en chantant. Ah ben oui, c'est plus logique. On salue un stagiaire de 3e. Voilà comment c'était écrit sur ma feuille. Je vous crois, c'est qu'il y a de la censure sur Internet, on ne voit rien d'obscène sur Internet. Il y a des photos d'André Manoukian quand même. Vous qui êtes québécois, là on est entre deux mondes. Il y a en France moins de 12 ans pour ce film, et aux États-Unis la signalétique c'est rated R. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Et cette mesure est jugée laxiste pourtant aux États-Unis. Ouais. Alors, est-ce que moins de 12 ans, c'est l'exception culturelle française? Est-ce qu'il y a une pudibonderie excessive et vous êtes confronté à ça, vous aussi? Je ne sais pas. J'ai pas vu le film et j'ai pas lu le livre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je pense. mais je suis quand même curieux parce que j'ai lu tout à l'heure, hein, sachant que je venais ici sur le film, mais je suis curieux de le voir. Maintenant, je pense qu'il y a. Je ne sais pas, je ne peux pas juger la culture française comme ça largement en m'aventurant sur quelque chose que je connais pas vraiment. Maintenant, oui, chez nous, on est peut-être habitué à être un peu plus puritain que chez vous. Juste le rapport à la nudité ici n'est pas le même qu'en Amérique, ça c'est certain. Et vous, quand vous chantez les anges qui s'enculent, les enfants du diable, les enfants du diable qui s'enculent. Alors, votre public. Il faut savoir que c'est une très très belle chanson. Hein, oui, mais allez-y, allez-y. C'est sur l'album Punk. Je vous encourage à l'écouter. C'est très poétique, non, mais c'est très très beau. Puis j'ai une chanson d'ailleurs qui traite de sadomasochisme avec Barbara. Tout dépend du ton en fait. Oui, mais surtout il existe du porno québécois. Oui, bah, je crois qu'il y en a du français aussi. Encore là, c'est comme la radio. Mais je veux dire, on vous le reproche pas ça dans vos chansons, ça passe parce que c'est en chanson, c'est intégré dans un texte. Je vais dire quelque chose. Ça, oui, c'est il y a quand même une charge poétique là-dedans. Une charge. Et il y a une décharge poétique peut-être aussi. Et il y a aussi le fait que c'est moi qui chante ça. Je pense que si Céline Dion chantait ça, ça passerait pas. Mais moi, ça passe. Encore, faudrait voir si son équipe de gérants chez Sony dirait oui. Alors, la presse est féroce avec ce film. Hein. Le Figaro dit aujourd'hui « Ce film est à classer au rayon farce et attrape. L'acteur a le sex appeal d'un brocoli. » Donc, brocoli. Les journalistes en profitent pour se lâcher. Et dans Le Point, voilà, la conclusion du Point, c'est que la France sera donc le seul pays à permettre à des enfants de 13 ans d'assister à des levrettes et autres coïts moins conventionnels dans une salle de cinéma, sous prétexte qu'il s'agit d'une bluette, parce que donc la commission qui est chargée de classer l'âge dit que bon, c'est une bluette et que finalement, bon... C'est pas si terrible. Et justement, Clara Dupont-Moneau, oui, la commission dirigée par Dominique Strauss-Kahn, hein, il faut le rappeler. Et justement, pour amener le sujet, c'est Clara Dupont-Moneau qui reprend la patate chaude, si je puis m'exprimer ainsi. Oh, bravo. Et parce que vous allez nous en parler, Clara. Brûlante. Et oui, parce que c'est donc le film Fifty Shades of Grey, donc qui sort en salle aujourd'hui. Il est comment ? Il est poli, très intense, très brillant, extrêmement intimidant. Voilà, pas vraiment comme vous, donc Alexis Cizerac, ne cherchez pas à l'imiter. Alors, pour rappel, Fifty Shades of Grey est donc une saga érotico-sentimentale écrite par E.L. James, une mère de famille américaine, d'où la notion américaine de porn mum, du porno édulcoré pour les mères de famille. C'est donc l'histoire d'Anastasia, qui est une godiche naïve à la vie terne, elle est vierge, qui rencontre James Gray, beau gars en costume gris, adepte du SM. Et à son contact, la pucelle godiche va découvrir l'amour, l'art et la lanière. Voilà, c'est fait. C'est beau. Je vous remercie. Et elle se déverrouille. D'où la question, mais donc les Français avaient besoin de se déverrouiller alors. C'est comme, ça se pose quand même, puisque en France, Fifty Shades of Grey s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et dans les deux mois qui ont suivi la sortie du livre fin 2012, la vente de boules de geisha a doublé sur Paris, c'est véridique, et les accessoires, fouets, cravaches, qu'est-ce que c'est, menottes, merci Charline, c'est un porte-clés, c'est tout joli. Ah d'accord, voilà. J'en veux bien un pour Noël. Voilà. Et tous les accessoires ont connu une ascension, une chaîne de boutiques coquines se félicitait, je cite, d'une hausse des ventes de 30%, les sexologues se sont exprimés un peu partout, ravis, on a pu lire une animatrice d'atelier sur la sexualité, texto, je ne sais pas ce que c'est, qui disait: ce livre a permis aux femmes de booster leur libido. Alors évidemment, ça en dit long sur la libido des femmes. On peut aussi le voir comme ça. Fallait-il qu'elle soit bien basse et bien flappy, cette libido, pour renaître au contact de Fifty Shades of Grey? Parce qu'en matière de clichés rétrogrades, pour l'instant, on n'a pas fait mieux. Anastasia, par exemple, elle est vierge, hein, donc je l'ai dit, elle attend le prince. À quel âge, pardon ? Elle a 21 ans. Elle vous a pas encore croisé. En fait. C'est ça, voilà, elle n'a pas encore été à la Nouvelle Star. Et elle attend le prince charmant pour ne plus être vierge. D'accord. Donc, bienvenue dans l'Antiquité. Oui, André, allez-y. C'est un mouvement américain qui... C'est ça. Alors ça, vous nous en parlerez après. D'accord. Sur le coup 18h03. Alors, James Gray, autre... Vous pouvez prévenir Nicolas Demeurant, s'il vous plaît. Autre cliché, James Gray, lui, est PDG d'une multinationale du genre à avoir plein de Rolex. Et il dit, charmante entrée en matière, ouvrez les guillemets, il dit à Anastasia: j'ai plus de 40 000 salariés, j'ai un Audi 4x4 avec chauffeur, viens, virgule, on va prendre mon hélicoptère. Un rêve de MEDEF. Bah ouais. Tout cet attirail, d'ailleurs, laisse penser qu'il est inversement proportionnel à la taille de son zizi. Un homme qui affiche autant d'appendices rutilants laisse penser qu'il n'y a pas ce qu'il faut là où il faudrait. Moi, j'ai pas d'hélicoptère. Moi, j'ai un mini vélo. Pliable. Mais c'est sans compter la réserve inépuisable de clichés qui a prévu le coup. Bien sûr que James Gray est bien membré, je cite le livre, il s'agenouille pour revêtir un préservatif, non, trois petits points, tout ça Fin de citation. En parlant de style, justement, lui, il relève de la petite mort. Voilà le ce qui relève de la petite mort, c'est le style. Exemple. Tout d'un coup, c'est Noël, il me remplit, me pistonne à un rythme acharné. Fin de citation. Variante, bordel, qu'est-ce qu'il est sexy ? Parce qu'il y a beaucoup de bordel, de putain, de d'où Jésus également. C'est littéraire, on peut le dire. Les mots très, pas utilisés dans la voiture. La palme, c'est-à-dire les menottes d'or, revient à la phrase que j'aime beaucoup. Le brushing post-coïtal lui va bien. Voilà, le marquis de Sade vient de mourir une seconde fois. Le brushing post-coïtal lui va bien. Comment vous dites ? Brushing. Ah, c'est là où on voit que vous en pratiquez régulièrement. Mais surtout, le vrai problème, c'est que Fifty Shades of Grey est le roman le plus pudibon, le plus moral jamais écrit. Pourquoi ? Parce que James Gray explique qu'il a des penchants SM à cause de son enfance malheureuse. Donc ce penchant SM, alors attention, penchant gentil, hein, qui casserait trois pattes, pas trois pattes à une chatte au hasard, c'est donc une séquelle, une souffrance. Oh, fallait le faire. Mais bon, ce penchant non, SM... Non, c'était pas obligé. C'est donc... Et après, on dit que c'est moi qui parle de cul tout le temps ici. Non, mais attendez, parce qu'il y a un raisonnement qui est très intéressant. Mais ça va vous plaire. C'est littéraire. Mais oui, littéraire. Ça vient de Gilles Deleuze. Ce penchant SM, c'est donc une séquelle, c'est une souffrance, c'est vraiment comme ça que c'est présenté dans le livre, et il faut l'en guérir. Et Anastasia se met en tête de le guérir, grâce à quoi ? Grâce à l'amour. Donc vous avez l'amour qui sauve du sexe. La rédemption voilà, américaine. Exactement, il n'y a pas plus moral. Ouais. James Gray est déviant, et ses pulsions sont donc une maladie. Et comme par hasard, le corps est complètement absent du texte. Il ne sent pas, ne transpire pas, ne vibre pas, il n'a ni odeur, ni mouvement. Celui de James Gray, par exemple, sent toujours, je cite, le gel douche et le linge frais. Oh. Et, mais oui, ça dit tout. Et quand il passe au SM, Anastasia et James Gray signent un contrat. Ça prend des pages, on prend 10 pages, c'est le côté américain, tout est contractuel, même le sexe. Ce contrat spécifie que, je cite, la soumise doit être propre, rasée, épilée, qu'elle n'abusera pas de l'alcool, ne fumera pas, ne prendra pas de drogue, et qu'elle verra donc régulièrement un gynécologue. C'est donc du sexe hygiénique, propre, c'est de la copulation Ajax-Citron, c'est encadré par un contrat, c'est donc l'inverse du sexe et de la littérature. Eh oui, voilà. Merci Clara Dupont-Mono, on a encore moins envie de le lire, Pierre Lapointe. Je tiens à préciser qu'on ne fait pas tout ça en Amérique, hein. On a aussi un rapport au sexe normal et sain et vous qui sent fort. Vous êtes fautivisé, Pierre. Non, du tout, c'est parce que je vous écoute et puis je me dis, mon Dieu, mais c'est en effet une image du sexe un peu... un peu propre beige. Bah prouvez-le, prenez Clara sur la table. On signe un contrat d'abord. Ouais. On demande à nos avocats de se parler, après ça on se verra. Et dites, on a parlé de brushing grâce à Clara Dupont-Mono. Au Québec, comme vous traduisez souvent beaucoup les mots anglais, y a, vous dites brushing aussi, il y a un équivalent. On dit brushing, mais en fait on le dit un peu en riant d'une autre génération qui était avant nous, parce que on va dire ça avec un gros accent montréalais des années 60 qui n'existe plus ou presque plus. Et qui donne plus. Quoi ? Qui donne ah mon Dieu mon brushing. C'est plus ça. Mon brushing. C'est plus ça, parce que sinon, on ne parle pas de brushing vraiment, en fait. On va parler de coiffure. Simple comme ça. Simplicité, sobriété. Nous sommes avec Pierre Lapointe jusqu'à 18h. Pierre Lapointe qui est en tournée et qui est passé par le studio de France Inter. Sachez qu'il est le 12 février à Senon, le 14 février à Nîmes et puis au printemps de Bourges. Et tiens, le 29 avril à Fezin. F-E-Y-Z-I-N, on salue nos auditeurs à Fezin, parce que je ne sais pas où c'est. Mais c'est à côté de Lyon. Ah, voilà. Bah, écoutez, bonjour au à nos auditeurs. Troisième sujet, l'Australie va participer à l'Eurovision. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, Pierre Lapointe, il faut absolument qu'on en parle ensemble. Parce qu'après ça, je ne sais pas comment l'Union Européenne va pouvoir dire non à la Turquie. Ça, il y a un moment, il y en a des problèmes. Alors bref, c'est vous dire, si on s'ennuie entre chanteurs européens, pour en arriver là, vous imaginez si... Si c'est le chanteur australien qui gagne, il y a tous les chanteurs européens qui vont devoir prendre l'avion jusqu'en Australie. Je sais pas moi. C'est... Ah pour aller faire la. J'ai pensé à ça moi, c'est pour ça. J'ai envie de traiter le sujet. Oui. Bref, donc on s'ennuie entre chanteurs européens et quand on entend la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision avec Lisa Angèle, on comprend un peu d'où vient le problème. J'avais chanté L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam. Et j'ai remporté le concours. Après, j'ai décidé d'apprendre à chanter. Je me souviens du rire des enfants. Oh, mais non. La moi, voix bien. Des hommes quand ils partaient au champ. Je suis allé écouter tout à l'heure. Ah oui ? Oui. Vous avez travaillé vos dossiers, Pierre Lapointe. Oui. C'est joli, ça s'appelle N'oubliez pas. Ouais. C'est une chanson de Serge Lama. C'est dédié aux commémorations au centenaire de la Grande Guerre. parce que ça, je l'ai compris sans même lire sur la chanson. Je me suis dit, oh, on dirait. Parce que c'est une soirée kitsch. Hein. Alors évidemment, on vous propose plutôt d'écouter le dernier album de Pierre Lapointe à la place. Hein. Paris Tristesse. C'est complémentaire. Et pourtant, Paris Tristesse, c'est quand même plus festif que ce qu'on vient d'entendre. Oui, alors l'Australie, il y a des noms qui circulent comme Kylie Minogue et AC/DC qui sont avancés. Bah, moi, je pense que ça serait bien. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on choisit un artiste plutôt qu'un autre pour représenter l'Eurovision. Chaque pays peut faire ce qu'il veut. Mais à chaque fois qu'on écoute l'Eurovision, moi j'ai l'impression que c'est tout le temps des sous-modes, des sous-répliques de ce qui est à la mode. Par exemple, l'année dernière, ce qui avait représenté la France, c'était comme une sous-chanson de Stromae. Ah oui, j'étais un peu mal à l'aise. Il y a Sébastien Tellier qui est passé une fois, qui faisait du bien en fait dans ce genre de concours-là. Et puis sinon, bah, heureusement, l'Europe a eu droit à deux grandes canadiennes, Céline Dion en 88 et Natacha Saint-Pierre en 2001. Mais c'est normal parce que le pays ne veut pas gagner en fait. Parce qu'il faut organiser le truc. Oui, c'est ça, et ça coûte cher. Alors, vous plaisantez, mais c'est ce que l'Espagne a fait. Elle s'est tirée une balle dans le pied dans la dernière Eurovision pour ne pas avoir à l'organiser parce que ça coûte cher. Comment vous avez découvert l'Eurovision, Pierre Lapointe? En 88, on en a entendu parler au Canada partout parce que Céline Dion était venue représenter la Suisse. Ah, et puis ça a été un grand moment. Je veux pas, ça a été justement, on parlait de la Suisse tout à l'heure. Bah oui. Je sais pas si elle a un compte en Suisse, mais en tout cas, elle représentait la Suisse. Et puis ça avait fait les nouvelles partout. Tout le monde parlait de ça. C'était la grande fierté nationale. C'était le début de l'épanouissement international de Céline Dion. Oui. Le français, c'est Twin Twin. Ah, Twin. Vous avez un équivalent comme ça de du festival de la chanson kitsch? Non. Chez vous, non. Bah, il y a plein de la chanson québécoise. Mais il y a plein de chansons. Il y a plein de chansons kitsch chez nous aussi. Il ne faut pas penser qu'on fait que de la bonne musique. Non, on le pensait pas. Parce qu'il y a Pierre Lapointe qui fait de la bonne musique et les autres. C'est comme ça que ça marche. Et qui est coach à The Voice. Et qui est coach à The Voice. On est quand même le seul endroit au monde à avoir traduit The Voice par la voix. Quand même. C'est une fierté, par même temps, c'est étrange. Vous avez ce petit côté aussi esthète de la chanson, et au Québec, on vous tient pas rigueur que vous alliez aussi dans le populaire, parce que The Voice, c'est plutôt populaire. Vous avez ce côté schizophrénique. Ouais, en fait, j'ai toujours été autant dans la pop que dans la culture d'avant-garde. Je travaille avec des artistes en art contemporain, avec des metteurs en scène, des chorégraphes. Et puis aussi, je suis dans les meilleurs vendeurs au Canada. Donc, j'ai bénéficié de cette espèce d'aura-là. Et puis, je pense qu'en fait, on est venu me chercher à la voix pour ça, parce que je dégageais ça. Il faut savoir que chez nous, c'est vraiment un phénomène de société. Il y a 3 millions d'auditeurs par semaine qui écoutent ça sur une population de 7 millions. Oh, c'est gigantesque. Comme chez nous, où il y a 3 millions d'auditeurs certainement, pour cette dernière revue de presse. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets? Again the no. Et on commence par la phrase du jour au procès de Dominique Strauss-Kahn. Oui, il a levé le ton, il a dit « Ma pratique sexuelle, que l'on l'approuve ou qu'on la critique, est la même avec toutes les femmes. » Et donc, on a une pensée pour Anne Sinclair. Voilà, passons à un autre sujet. Dassault est à deux doigts de réussir à vendre son Rafale à l'étranger. Oui, ça fait 15 fois qu'ils sont à deux doigts, ça fait 30 doigts, ça fait beaucoup de doigts. Ouais. Le Rafale, c'est l'avion qui arrive déjà en bout de piste sans avoir été sorti du hangar. Mais là, c'est quasi fait. L'Égypte a approuvé le contrat, la vente va être officialisée bientôt. Est-ce qu'on sait comment Dassault a finalement réussi à vendre son Rafale? Oui, pour être plus vendeur, ils ont fait comme pour les bagnoles. Ils lui ont donné un petit nom. Après la Citroën Picasso, la Renault Safrane, Dassault propose le Rafale Nadal. C'est brillant. rappelons-le. C'est de la très haute technologie française de l'avion. C'est ça, ça effrayait les acheteurs. Mais oui, puisque rappelons-le, la haute technologie française n'est pas toujours compatible avec la médiocrité du monde. C'est pas faux. Ah, attention, je l'entends, il arrive. Oui, il arrive. Au pays de Tiki, comme dans tous les pays, on ne fait pas ce qu'on dit, on a vu faire Sarkozy. Dans l'épisode précédent, Tiki, le président des jeunes UMP, qui n'a pas ses papiers en règle, avait été dénoncé à la police qui avait refusé de le renvoyer au Cameroun. Têtu, Tiki tente par ses propres moyens de se trouver sur la plage de Lampedusa. Vous êtes pas sœur? Ouais, pourquoi? Combien ça coûte la traversée? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes déjà en Europe? Oui, mais justement, j'ai rien à faire ici. De toute façon, quand vous amenez les sans-papiers ici en bateau, vous devez retourner de l'autre côté. Moi, je peux venir avec vous? Moi, au milieu de la Méditerranée, je coule le bateau en général. C'est génial, mais je ferais ça aussi. Mais quelle bonne méthode pour limiter l'immigration! Si j'étais encore président de l'UMP, je vous décorerais, moi. Merci. Cela dit, il y en a quand même qui arrivent à la nage. C'est pas vrai? Génial, j'y vais! Et Et voilà pour les aventures de Tiki. On le remercie, hein, parce qu'il nous a fait notre matinée. Merci Pierre Lapointe d'être resté avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. Alors déjà, on vous adore, on vous aime beaucoup. Et votre dernier album, Paris Tristesse, qui est sorti en novembre, on rappelle que vous êtes en tournée le 12 février à Senon, le 14 février à Nîmes, le 27 avril au Printemps de Bourges. Et il y a d'autres dates qui s'en viennent. Ah ben oui, plein. Le 29 mai à Saint-Jacques-de-la-Lande, même. Vous allez visiter la France. Ah, je vois des endroits que la majorité des Français n'ont jamais vu. On était ravis de vous avoir parce qu'on aime vos albums et en plus vous êtes terriblement sympathique et généreux. C'était vraiment un plaisir. Allez, le mot de la fin à un extrait beaucoup plus excitant de 50 nuances de Grey. Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coup de cravache.